Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Avec ou sans invité, Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Aujourd'hui, on poursuit cette série consacrée aux deux poids deux mesures en France. Dans le premier épisode de la série, on a vu que, historiquement en France, la règle pour traiter les blancs et les non-blancs, ça a été la différence de droit. Il y avait un code général qui s'appliquait aux blancs, et puis à côté, des codes annexes qui s'appliquaient aux non-blancs. Et puis, les codes annexes ont disparu après la Deuxième Guerre mondiale, et depuis, officiellement, c'est l'égalité de traitement. Mais dans les faits, quand on est non-blanc, on sait très bien qu'on n'applique pas les mêmes règles à tout le monde, que le même crime n'est pas puni des mêmes peines, que ce qui vaut aux uns de se faire arrêter n'est pas valable pour les autres. Ça, on le sent, on le pressent, on le voit, mais c'est très difficile de le prouver parce que différencier ethniquement, différencier racialement, c'est interdit. Si on fait ça en France, celui qui fait ça, il voit tout de suite ce qu'il va dire derrière, complètement disqualifié. Toujours dans cette série consacrée aux deux poids deux mesures, on a vu que être aveugle aux différences ethniques, raciales, donc au traitement inégal, en réalité ça profite au racisme. C'est valable ça en France comme aux États-Unis. Et aux États-Unis, la loi, la police, la justice et les coutumes, ça produit en permanence des castes. Une caste de blancs et des castes de non-blancs. Et même une sous-caste, la sous-caste des condamnés, des prisonniers, des anciens détenus, c'est-à-dire tous les gens, comme on dit, défavorablement connus de la justice. Et chaque caste se voit appliquer des règles différentes. Ça, c'est vraiment, vraiment la définition d'une société raciste. Et ce système raciste arrive à fonctionner parce que personne ne pense que c'est du racisme. Si on pose la question à l'Américain moyen, il dira que ce sont des actions de justice, des actions de police qui sont justifiées par la guerre contre la drogue ou par la guerre contre la criminalité. Ça, c'est une idée fausse. Et cette idée fausse n'est pas tombée du ciel. Pour arriver à convaincre la population de ça, les médias ont joué un rôle déterminant depuis les années 70. Ils relaient ce qui est un mensonge et une propagande d'État. Et ça fonctionne, parce qu'il n'y a jamais eu autant de Noirs et de Latinos détenus, mais personne ne pense que c'est raciste. Cette démonstration, c'est Michel Alexander qui a réussi à la produire pour arriver à exposer cette organisation raciste de la société américaine. Il a fallu qu'elle revienne aux lois depuis l'esclavage, qu'elle observe le travail de police, le fonctionnement des tribunaux, la participation des médias et des politiques, et aussi la manière dont la société traite les prisonniers et les anciens prisonniers dans les politiques de logement, sur le marché de l'emploi, bref, dans la société en général. Si nous, en France, nous voulons regarder et décortiquer le deux poids deux mesures français, on va aussi devoir en passer par toutes ces étapes. Je propose de faire ça à la manière des ethnologues. Souvenons-nous, les ethnologues, ce sont ces scientifiques qui partaient à la rencontre de peuples dits primitifs au temps des colonies, et leur truc, c'était de décrire un groupe humain par l'observation en vivant au milieu de ce groupe. Ensuite, ils rentraient en Europe et consignaient tout ça dans des livres. Mais pendant la période d'observation, il fallait que la population soit tout à fait à l'aise, habituée à la présence de l'ethnologue pour que le scientifique arrive à les observer en train de vivre naturellement. Et lui notait tout ce qu'il les voyait faire, quelles étaient les coutumes, quelles étaient les habitudes, comment est-ce qu'ils fonctionnaient au quotidien. L'ethnologie, elle a mauvaise réputation parce que pendant une longue période, elle a trempé dans la classification des races, mais elle s'en est éloignée après un très long passage à vide. Aujourd'hui, c'est une science qui connaît un renouveau et il y a beaucoup d'ethnologues qui s'intéressent à des sous-cultures, à des groupes humains qui peuvent vivre dans le nord comme dans le sud. C'est-à-dire que ce n'est plus une science qui fait de l'exotisme. L'ethnologie aujourd'hui peut tout à fait s'intéresser à une communauté de gamers puisqu'ils forment un groupe humain et ils ont une langue et une culture en commun. Ce qu'il y a de vraiment intéressant avec la démarche de l'ethnologue, c'est que l'ethnologue comprend une culture en la regardant faire et vivre. Il observe, il lit, il écoute et à partir de tout ça, il va déduire les règles de cette culture. Et dans le cas qui nous intéresse, une société qui se raconte des histoires, c'est la démarche qui convient le mieux. Je ne suis pas la seule à dire que la société française se ment. En ce moment, Emmanuel Todd fait la tournée des médias avec une étude qui est partie de la même observation. Les Français ont une perception fausse de ce qu'ils sont. Or, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on est dans un pays, la France, qui pratique le deux poids deux mesures, mais qui dit que tous les citoyens sont traités à l'identique. Si on veut décrire la France, alors on doit s'intéresser à ce qu'elle fait. Je vais donner une illustration simple. La règle écrite dit que le contrôle de police administratif a pour but de prévenir les atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens. Il peut avoir lieu dans une rue ou une gare et concerner toute personne, quel que soit son comportement. Ça, c'est la règle écrite. La réalité, c'est que le contrôle d'identité n'a pas lieu partout et il n'a pas lieu avec n'importe qui. La majorité des Blancs n'ont jamais subi de contrôle d'identité de toute leur vie. La majorité des hommes arabes et noirs en ont subi des dizaines, parfois depuis l'âge de 10-11 ans. Donc si on adopte la démarche de l'ethnologue et qu'on déduit la règle à partir de ce qu'on a observé, alors on peut dire que la règle c'est, pour les Blancs, le contrôle d'identité a pour but de prévenir les atteintes à l'ordre public et se déroule dans le respect des règles. Pour les non-blancs, le contrôle d'identité systématique, accompagné de fouilles et violences, est un moyen d'affaiblir une population perçue comme dangereuse par nature, et le moindre signe d'insoumission vaudra sanction immédiate, c'est-à-dire des violences ou des insultes, et ou des poursuites. Voilà comment l'ethnologue déduit la règle à partir de l'observation du réel. Maintenant que tout ça est posé, on peut entrer dans le vif du sujet. La première question à laquelle il va falloir répondre, c'est comment est-ce que ça se passait au temps des colonies ? Puisque c'est à cette période que la France a pris la mauvaise habitude de pratiquer le deux poids deux mesures, comment est-ce que ça se passait à cette période ? Et la question que je vous demande de vous poser tout au long de cet épisode, c'est est-ce que cette logique est toujours d'actualité aujourd'hui. Une précision, je ne suis pas historienne. L'histoire, pour moi, ici, n'est qu'un moyen de reconstituer la manière dont la France gère les indigènes et leurs descendants. C'est-à-dire, je ne vais pas faire de la mythologie algérienne, je ne vais pas parler de libération pour flatter les égaux. Là, on va se mettre dans l'esprit des Français, on va essayer de comprendre comment ils ont réfléchi une organisation sociale inégalitaire au départ pour identifier de quelle manière cette organisation sociale inégalitaire continue d'exister aujourd'hui. Pour ça, on va revenir au début du XIXe siècle avec le régime de l'indigénat. Je ne vais pas parler du code noir parce qu'il y a des tas de gens qui en ont déjà parlé, qui ont écrit sur le sujet et qui maîtrisent très bien la question. Le code de l'indigénat, il est un peu moins discuté, un peu moins connu, mais c'est normal parce qu'il était en vigueur il n'y a pas très longtemps. C'est encore tout frais. Donc on va revenir aux années 1830 en Algérie, à l'endroit où ce régime de l'indigénat a été mis en place, appliqué aux Algériens avant d'être étendu à d'autres peuples sous domination française. Déjà, on parle de code de l'indigénat, mais ce n'est pas un code à proprement parler comme l'était le code noir. Le code de l'indigénat, en vérité, c'est un ensemble de textes qui ont été mis en application de manière successive et tous ces textes mis ensemble dessinent la condition indigène. Mais il n'y a pas forcément en premier le texte voté suivi de la mise en application. Parfois, le texte est là pour encadrer des pratiques qui existent déjà. Donc, c'est déjà une première erreur que de penser que quand on lève ce « entre guillemets code », alors la donne change complètement. La chercheuse Isabelle Merle a écrit sur ce code dans un article publié en 2004. Et elle rappelle que quand on parlait de ce code, on parlait d'une monstruosité juridique parce que l'indigénat introduit un principe qui est qu'on enfreint dans les colonies des principes qui sont érigés en métropole. Et là où c'est intéressant, c'est que Isabelle Merle dit que l'exception ne peut pas être pensée en dehors de la règle. Je la cite, « Ce qui caractérise l'exception, c'est que ce qui est exclu n'est pas pour autant absolument sans rapport avec la norme. Au contraire, la norme se maintient en relation avec l'exception dans la forme de la suspension. Or, la norme, c'est l'État français et la nation. » Et la violence coloniale d'État, c'est d'abord ce régime d'indigénat. Ce n'est pas un massacre. Or, habituellement, on conçoit comme violence ces événements qui sont soudains, sanglants. Et cette façon de voir, il faut absolument l'abandonner. La violence, ce n'est pas les enfumades, les massacres de villages, Sétif et Guelma. Ces épisodes sont un aspect de la violence coloniale d'État. Mais la violence, c'est d'abord une pratique quotidienne, considérée comme normale, parce qu'à force de la voir, on s'y habitue et on prend ça pour de la normalité. Une enfumade, c'est très choquant. Tout le monde est tout de suite conscient de la gravité. La relation coloniale, à ce moment-là, elle est flagrante. Mais le régime colonial, c'est tout ce qui devient naturel, qu'on ne remet plus en question. Et ça, c'est très important. Et cette logique, elle a commencé d'être mise en place en Algérie. Et je le répète parce que c'est vraiment important, tout ce qui concerne l'esclavage et relève d'une autre logique, encore plus tordue, se réfléchit presque à part, même si c'est complètement lié. Alors aujourd'hui, on fera comme on l'a fait la semaine dernière avec les États-Unis, on va regarder les textes, les pratiques administratives, policières, judiciaires et la coutume, tout ça ensemble. Les Français s'imposent en Algérie en 1830, mais ils ne sont réellement établis dans le pays qu'en 1834, qui est la date où ils mettent en place un gouverneur général qui va partager l'autorité avec les militaires, comme la résistance localement est forte. Les Français pratiquent le terrorisme et le meurtre de masse et des campagnes de violence extrêmes pendant 20 ans. Ils n'éradiquent pas la population, alors que certains parlementaires proposaient qu'ils le fassent. Ça, c'est parce qu'ils espèrent faire de la population une main-d'œuvre. En parallèle, ils installent une population européenne et mettent en place l'organisation administrative du territoire occupé. Donc l'autorité administrative dans ce territoire, c'est le gouverneur général. Il est sous l'autorité du ministre de la guerre et il est l'officier le plus gradé, même si ses attributions vont évoluer selon les périodes. Parce que pendant toute la colonisation de l'Algérie, chez les Français, il y a deux logiques qui s'opposent, une logique d'assimilation à l'administration générale et celle d'une autorité locale avec l'unité d'autorité portée par le gouverneur général. Et quand l'autorité locale est favorisée, le gouverneur général a les pleins pouvoirs et il mène sa politique avec la confiance du gouvernement. C'est le gouverneur général qui est responsable des mesures nécessaires à la défense et à la sécurité de l'Algérie. En 1845, une ordonnance divise le territoire en trois provinces. Les territoires civils d'Oran, Alger et Constantine, les territoires mixtes et les territoires arabes. Les territoires du sud sont à part. L'administration et le budget des territoires du sud sont distincts de ceux d'Algérie. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, ce sont les territoires mixtes, parce qu'ils nous renvoient à la situation actuelle de certains départements français, à savoir une majorité non blanche et une minorité blanche. Et comment les Français vont réfléchir cette répartition qui est potentiellement dangereuse pour leurs intérêts. Cette ordonnance, elle crée aussi une direction des affaires arabes dans chaque division territoriale militaire pour traiter les relations avec les populations des territoires militaires, donc ceux dont relèvent les indigènes, et où les colons européens étaient presque absents. Le rôle de ces bureaux arabes, c'était, nous disent les Français, d'assurer la sécurité par le renseignement, la surveillance, les liens avec les notables. Ils devaient adresser à leur hiérarchie des rapports réguliers sur la situation politique, sur l'état de soumission des tribus, sur les impôts, la sécurité des communications, les crimes et délits, les amendes. C'était ces bureaux qui contrôlaient le fonctionnement de la justice musulmane et aussi celui des mosquées, et leur rôle était aussi de gérer le cantonnement des populations indigènes. Louis Massignon écrit que ces bureaux arabes, c'était le lieu où on étudie longuement, durement cette magnifique langue arabe, mais comme l'ingénieur militaire étudie les ouvrages défensifs pour la destruction. C'est l'endroit où on essaie de substituer à la langue arabe classique, organe de civilisation et de littérature musulmane, les dialectes partisans, organe de dissension locale. En gros, c'est s'immerger pour corrompre et trahir. Et dans l'organisation administrative, de nombreux services sont rattachés au ministre compétent, avec une exception. L'instruction publique est rattachée au ministre compétent, à part l'instruction publique musulmane. Même chose pour le service de trésorerie, même chose pour la justice et pour le service des cultes. Dans les faits, on est vraiment dans un régime militaire. Et les indigènes, même quand ils habitent en territoire civil, ils relèvent de l'autorité militaire. Ce n'est pas le cas des Européens. Concernant la justice, il y a deux systèmes de justice qui coexistent. En territoire civil, dès 1834, des tribunaux sont créés à Alger, à Constantine et à Oran. Et les indigènes relèvent à la fois de cette justice et de la justice autochtone. En territoire militaire, la justice passe par les bureaux arabes, où il y a des commissions disciplinaires gérées par des généraux commandants, tandis que tous les délits et crimes qui sont commis par les Européens sont traités classiquement par les cours d'assises et les tribunaux correctionnels. La justice d'exception est consacrée par le Code de l'indigénat mis en place en 1881. La loi du 28 juin 1881 instaure en Algérie un régime juridique d'exception pour les populations autochtones. Il commence d'être appliqué dès 1881. Dans l'esprit des guerres, il est prévu pour 7 ans, le temps de la pacification. Et il est très, très rigoureux en matière de justice et de maintien de l'ordre. Les guerres pensaient qu'en 7 ans, ils auraient plié les Algériens. Ça n'a pas été le cas. Donc ces règles ont été maintenues pendant plusieurs dizaines d'années. Ce code prive les indigènes de leurs droits individuels et il sera ensuite généralisé à toutes les colonies françaises. Il y a un premier principe avec lequel ce code rompt, c'est le principe de personnalité des peines, qui est un principe de droit pénal selon lequel on ne peut pas condamner une personne pour un fait punissable qu'elle n'a pas elle-même commis. Ce principe-là est refusé aux indigènes. À la place, il y a l'idée d'une justice répressive spéciale. Alors évidemment, quand on lit la littérature de l'époque, les Français avancent masqués hein, et ils racontent qu'ils ont fait cohabiter deux règles pour maintenir le système traditionnel des autochtones. Hein. C'est l'habituel respect des Français pour les cultures locales. Évidemment, ce sont des foutaises. Il y a les règles pour les Européens et les Israélites avec des tribunaux, des prisons, une grille de crimes et délits classiques. Et à côté, il y a des infractions que seuls les indigènes peuvent commettre. Des infractions qui n'existent pas dans la législation française. C'est-à-dire que c'est un espace juridique nouveau auquel les indigènes sont soumis, en plus d'être soumis au code pénal. Ces infractions spéciales, on prévoit pour elles des peines qui n'existent pas dans les catégories existantes de peines, à savoir peines criminelles correctionnelles, temporaires ou perpétuelles, politiques ou de droit commun, civiles ou militaires. Or, ces peines peuvent être pour les indigènes, je le disais tout à l'heure, individuelles ou collectives. Donc ça enfreint la notion de personnalité des peines, qui fait qu'on ne peut être normalement sanctionné que pour un fait qu'on a commis. Autre point, ça viole la séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs. C'est-à-dire que le pouvoir administratif peut rendre de la justice. Dans leur esprit, les Français sont en contexte de guerre quand ils mettent en place ces textes. En tout cas, c'est leur justification. Mais il ne faut absolument pas penser que c'est en 1881 que les pratiques commencent d'être mises en place. Dès 1834, le commandement militaire et le gouverneur disposent de pouvoirs exceptionnels dits de haute police. Ça leur permet de prononcer sans publicité, sans contradiction et sans défense trois types de peines. Premier type de peine, l'internement. L'internement, ça peut être l'emprisonnement, l'assignation à résidence ou la déportation. Dans les faits, les gens pouvaient être transportés à Calvi, emprisonnés dans le pénitencier indigène de Lambèze ou mis en résidence surveillée dans un douar. Deuxième type de peine, l'amende individuelle ou collective. L'amende collective, c'est une mesure de guerre. Elle a été réglementée par une circulaire de Bugeaud en 1844. Elle va rester en vigueur jusqu'aux années 1940. Ça, c'est inconnu dans le droit français. La peine collective. Et ça donnait la possibilité au gouverneur général, aux officiers ou aux administrateurs d'infliger des amendes très lourdes à des douars ou à des tribus entières. Et encore cette manie des Français de faire croire qu'ils péchaient par excès de respect pour les us et coutumes locaux. Bugeaud disait qu'il faisait ça pour respecter la responsabilité collective existant dans la tradition musulmane. Et enfin, troisième type de peine, le séquestre. Les séquestres de biens fonciers ou de tout autre type de biens, c'est une mesure de guerre classique contre les groupes ou contre les États vaincus. C'est purement et simplement de la spoliation. Donc ces peines sont mises en place en 1934 et les premières années, beaucoup d'agents vont abuser, profiter de cette législation pour s'enrichir sur le dos des indigènes. Mais les Français, eux, ils cherchent la pacification, c'est-à-dire que si le ressentiment est trop fort, les gens vont se rebeller de nouveau. Or, les guerres cherchent un point d'équilibre avec suffisamment de répression pour mater la population, mais pas au point qu'elle se soulève. C'est pourquoi l'autorité va réglementer les séquestres et les amendes et va publier une liste des infractions spéciales des indigènes soumises à amende en précisant le montant de l'amende et quel agent peut infliger la peine. Des exemples de motifs: refus d'obéissance aux ordres donnés pour les corvées, transports ou convois, le refus d'accepter la monnaie française, la voie de fait contre les chaouches, les désordres et discours séditieux, la révolte et la provocation à la révolte, le non-respect de règles vestimentaires, si on se demande pourquoi l'habit des Algériens a été tellement transformé en un siècle et demi, les Français sanctionnaient le non-respect de règles vestimentaires, je continue, les interdictions de circuler, les retards dans le paiement de l'impôt, la désobéissance aux ordres donnés par les agents de l'administration, que ce soit pour des gardes de nuit, des corvées, des réquisitions d'animaux, de matériel, la participation à des transports, etc. Les comportements obligés de respect envers les forces publiques, la pratique de la sorcellerie ou le fait de s'accuser de sorcellerie entre indigènes. Ce qu'on retrouve là-dedans, c'est les sanctions dès lors que les indigènes ne respectent pas une certaine déférence, hein, un respect à l'autorité de l'occupant qu'il faut manifester sous peine de se faire sanctionner. Certains de ces délits n'existent pas en France et des peines de prison et d'internement s'appliquent sur une vaste échelle et dans l'arbitraire le plus total. Donc là, ce sont 41 articles qui sont mis en application par les administrateurs civils des communes mixtes et par les juges de paix en communes de plein exercice. C'est donc une répression de proximité. Et ces 41 articles ont été fixés à partir de l'expérience dans les territoires mixtes. C'est donc le gouverneur général, celui qui est tout en haut de la hiérarchie, qui les met en œuvre. Ils sont appliqués en réalité par tous les échelons jusqu'à l'agent administratif qui est tout en bas de la hiérarchie. L'agent administratif. Je vous disais de vous poser la question tout au long de cet épisode, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Parenthèse rapide pour rappeler qu'aujourd'hui, dans l'administration française, des agents administratifs vérifient l'identité et la validité des papiers d'identité des indigènes. Dans les universités, dans les centres de formation, même dans les administrations fiscales. Et une anecdote me revient d'ailleurs d'une agent des impôts au guichet de la taxe d'habitation à Toulouse, cité administrative, une agent prénommée France d'ailleurs, qui a fait un scandale parce que la femme qu'elle avait en face, qui était originaire d'un pays africain, ne présentait pas de papier en règle. Et l'agent administratif l'a menacée et a fait un scandale parce qu'elle soupçonnait que la femme était en situation irrégulière et elle exigeait des papiers. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est ça le régime de l'indigénat, parenthèse fermée. À ça s'ajoute le fait que le gouverneur exerce en Algérie des pouvoirs de haute police. Les pouvoirs de haute police, c'est la possibilité, sans contradiction ni débat, d'interner, de séquestrer ou de soumettre à amende. Il suffit d'invoquer la menace sur les sécurités publiques que lui seul peut apprécier librement pour pouvoir appliquer des peines lourdes et longues sans qu'il soit possible de faire appel et sans que le gouverneur ait à justifier ses décisions. Après la répression de la conquête, avec la justice expéditive et sanglante qui était rendue par les officiers militaires, on retrouve un autre arbitraire, l'arbitraire des pouvoirs de haute police, qui sont détenus par un agent administratif, et ça, c'est une vraie continuité. C'est simplement la nouvelle forme. Mais il faut le dire, dans tout système judiciaire, il y a un combo qui est fatal aux indigènes, c'est le combo régime spécial plus autorité hiérarchique plus marge de manœuvre très large plus aucun compte à rendre sur l'exercice de l'autorité. Tout ça mis ensemble, c'est danger pour les justiciables. L'arbitraire naît là-dedans. Et d'ailleurs, quand on voyait le cas américain, la semaine dernière, on a vu que le policier et le procureur sont les deux agents qui disposent de la plus grande marge de manœuvre. et qui n'ont pas de compte à rendre sur les décisions qu'ils prennent. Eh bien, en Algérie, c'était l'autorité administrative avec ses pouvoirs exceptionnels. Alors, normalement, les sanctions qui sont prises sont inscrites dans des registres, c'est en tout cas ce qui est prévu, mais la chercheuse Isabelle Merle dit que la trace de ces registres est très difficile à trouver, et l'hypothèse, c'est que, en n'écrivant rien dans le registre, les agents s'offraient une sorte de quartier libre où tout était possible. Parce que de toute manière, ils n'avaient pas obligation de rendre compte. Quand on est obligé de rendre compte à une hiérarchie, on fait attention à respecter les règles. Donc cette liberté d'appliquer comme les agents le veulent, c'est là le cœur de l'arbitraire. Et c'est l'État colonial qui porte la responsabilité en créant des zones où l'arbitraire peut s'épanouir. Dans cette zone, les indigènes ne peuvent pas faire appel des décisions, les procédures ne sont pas contrôlées et la grille des délits et des peines est appliquée librement. Quel est le vrai mobile ? Eh bien, le régime de l'indigénat, c'est un instrument juridique, mais qui n'est pas mis au service de la justice. C'est un instrument juridique mis au service de la domination coloniale. Même si dans l'esprit des Français, la justice telle qu'elle est appliquée aux indigènes participe à les civiliser, hein, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est une forme de sas entre la condition indigène sauvage et le droit commun. Mais en réalité, c'est un instrument de soumission pour asseoir la domination sur les indigènes, pour les soumettre à l'autorité coloniale. Et plus les résistances sont fortes, plus la menace qui pèse sur les guerres est élevée, plus les mesures sont appliquées sévèrement. On aurait tort de penser que l'indigénat est mis en place par le texte. Les pratiques sont encadrées, canalisées par les textes. Il y a un autre point sur lequel il faut absolument insister, c'est que dans les infractions spéciales du régime de l'indigénat, il y avait des infractions qui existaient dans le code pénal. Donc vous allez dire, pourquoi les intégrer à ce code spécial ? Eh bien, pour pouvoir les sanctionner plus sévèrement. Les sanctions prévues y sont plus lourdes. Même délit, sanctions plus lourdes. Alors pourquoi ils faisaient ça ? En partie, c'est du danger de la cohabitation dans un espace mixte que naît ce besoin de l'État français d'appliquer un régime répressif, arbitraire et d'exception. Et il y avait aussi l'idée de travailler les corps et les consciences pour les modeler à force de répression. J'avais parlé il y a quelques années du seasoning en contexte d'esclavage, une pratique terroriste d'une cruauté sans nom, qui visait à presque domestiquer, mettre au pas la population détenue. Avec le régime d'indigénat, on est toujours là-dedans, mais dans un système plus subtil, en apparence moins cruel, mais qui démolit les consciences plus sournoisement. Et d'ailleurs, le français a toujours dit que l'arabe est sournois, ça nous rappelle que quand le français parle de nous, c'est sa mauvaise conscience qui s'exprime à haute voix. En 1887, le code de l'indigénat est appliqué à d'autres territoires colonisés, dont la Kanaky. Et je le disais plus tôt, ce qu'il y a de particulièrement dangereux avec ce régime de l'indigénat, c'est qu'à force de le voir appliqué quotidiennement, on en vient à le considérer comme normal. Maintenant, il y a eu des protestations, des indigènes évidemment, mais aussi des protestations européennes contre ce régime. Ainsi, la Ligue des droits de l'homme avait déclaré que sous le fallacieux prétexte de respecter leurs us et coutumes, on a soumis les indigènes à un régime d'exception et d'arbitraire sous le nom de code de l'indigénat. Par là, les indigènes sont soustraits aux tribunaux composés de magistrats et jugés par l'administration elle-même. On voit quel régime d'arbitraire c'est là, permettant à un administrateur jugé parti d'incriminer et de condamner un indigène pour actes irrespectueux et propos offensants. On voit quel excellent parti peut tirer contre un indigène un administrateur sans scrupules de la rubrique « bruit alarmant et mensonger ». Le seul remède à cet état de choses, c'est la suppression du code de l'indigénat. Les indigènes doivent être soumis au droit commun et soustraits à toute juridiction d'exception. Ils doivent être jugés par des juges et non par des administrateurs. 1907, une mission d'inspection en Kanaky observe que quand les infractions sont des infractions qui existaient déjà dans le code pénal, les agents qui répriment vont jusqu'à donner un autre nom. Ainsi, le vol par indigène devient un larcin. Les viols deviennent des troubles dans la tribu. Donc on retrouve bien là la patte française, hein, ce goût de jouer avec les mots pour noyer le poisson. C'est le 7 mars 1944 que le code de l'indigénat est abrogé. Le 27 décembre 1945, le journal de gauche Ce Soir annonce avec enthousiasme que l'abolition est prévue à partir du 1er janvier 1946. Je les cite. « Cette honteuse survivance des premiers temps de la colonisation, permettant de frapper les indigènes de peine disciplinaire par mesure administrative, seuls les tribunaux réguliers pourront à l'avenir décider des sanctions en cas de délit commis dans les territoires d'outre-mer. Les démocrates luttaient depuis des années pour cette réforme. » La question qui se pose évidemment, c'est est-ce qu'on va nous faire croire que le 1er janvier 1946, le quotidien en Algérie était transfiguré du fait de cette abolition ? C'est-à-dire, du jour au lendemain, l'arbitraire a disparu, les pratiques ont été transformées ? Évidemment que non. Là est le moment clé où la législation, en apparence, revient au droit commun, mais la pratique perdure. C'est pas un hasard si cette... En 1946, qu'il est abrogé, puisqu'on est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et du génocide des Juifs d'Europe, génocide légal, et les législations, les doubles législations officiellement discriminatoires sont proscrites à partir de cette période. C'est pour ça que le Code de l'indigénat est aboli. C'est pas parce qu'on veut rétablir l'égalité entre les indigènes et les Européens en Algérie. Et s'il fallait trois mots pour décrire la condition d'indigène, ce serait humiliation, injustice et arbitraire. Pour conclure, on peut dire que ce moment de la suppression du code de l'indigénat en 1946 est un moment clé et que ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est d'examiner cette période, mais aussi d'observer comment l'irruption massive des indigènes en France métropolitaine a été organisée et encadrée par l'État. C'est-à-dire comment est-ce que l'État français a organisé la coexistence des Blancs et des indigènes sur la métropole, soit un territoire mixte, en pensant toujours, dans un but de maintien de l'ordre et de sécurité publique, à maintenir ces populations sous domination et sous contrôle. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez commenter sur la page Facebook Décoloniser ou sur Twitter à Décoloniser1. Pour vous abonner, rendez-vous sur le portail Anchor du podcast ou à décoloniser.org.